Guillermo Guise. C'est bien lancé, ça, non ? C'est bien, vas-y. Mais coupable et ta gueule, ça va bien. J'ai lu un truc hier, c'était pas ouf. C'était pas ouf, mais je vais quand même vous l'expliquer. Parce que voilà, on peut pas venir tous les jours non plus avec des infos, genre ouais, t'as vu, on a découvert une nouvelle civilisation et tout, vous devinerez jamais où il était Stommy Bugsy. Gérard Collomb, il a dévoilé son vrai âge et tout. Enfin, tu vois, il y a trois chiffres. Enfin, tu vois, un truc, et en fait, parfois l'actualité, parfois c'est plus anecdotique en fait. Je disais par exemple hier, dans 20 minutes, que l'Agence régionale de santé, l'ARS, mettait les gens en garde contre un nouveau virus qui s'appelle le virus du Nil occidental. Et moi aussi, j'ai revérifié dans l'article si c'était bien ARS et pas CSA qui nous mettait en garde contre le virus du Nil occidental. Je t'emmerde. Je me suis demandé si c'était pas. Tu sais ce qu'il te dit là, putain, non, Nil. Ça, je me suis demandé si c'était pas le nom scientifique d'un célèbre animateur arrivé en France à dos de héron. Mais non, l'article parlait uniquement des moustiques qui transmettent ce virus. Et comme j'ai éculé mon quota de vanne sur Nagui, je vais pas aller sur le terrain de la morphologie, évidemment, et des troublantes similitudes de dimension entre les uns et les autres. Mais j'aurais pu, mais je vais pas le faire. Alors non, pas du tout. Donc en gros, 20 personnes ont été touchées par ce virus, qui est pas anodin quand même sur le plan neurologique. Ça peut mener à la méningite et à l'amour des films de Fabien Antoniente. Enfin, je dirais, il y a un truc vraiment. Il y a un avant et un après, quoi. C'est-à-dire, tu sors du cinéma, tu dis, ah, c'était trop bien, ça dépeint quand même vachement l'esprit vacances. Et puis tu vois que t'as été piqué. Et c'est pas n'importe quel moustique, c'est le virus s'est transmis par une sorte de moustique qui s'appelle le moustique Culex. Ça s'invente pas. Moi, tu me dis cette nuit, je me suis fait trop piquer par un moustique Culex. Si tu me fais ne fût-ce qu'un début de clin d'œil, il y a 100% de chance pour que je pense que c'est un message codé, quoi. 100% de chance. Vraiment, c'est comme quand Daniel Morin me dit, j'ai failli arriver en retard ce matin. Bon, là, il n'y a pas d'ambiguïté sémantique, mais Daniel est tellement malsain de base que quand il dit ça, tu te dis, il y a un truc affreux qui arrive à la personne en face. Un truc affreux, quelqu'un de plus faible qui n'a pas pu se défendre. En vrai, mais voilà, donc tout ça pour dire, cette énième manifestation de la nuisance des moustiques pose une nouvelle fois la question qu'on se pose toujours à leur sujet. Est-ce qu'on serait pas mieux sans ces gens, finalement, dans nos vies ? C'est vrai. J'en parlais avec une vache laitière qui me disait, ouais, mais tu sais quoi, chez les bovidés, en fait, finalement, on pense pareil que chez vous. On a tout marre, quoi. Autant chez nous, voilà, sur le véganisme et tout, et les souliers en cuir, les positions sont mitigées, chacun sa liberté, je juge pas. Mais bon, autant sur les moustiques, on est tous d'accord pour dire qu'on a plein de cul. Hein, viens, Ernesto, hijo del suelo, viens, on les extermine. Eh bien, j'étais assez d'accord avec Marie-Paul. Alors, moi, il faut savoir que sur le plan politique. C'est sur une vache, Marie-Paul, ouais, c'est la vache. C'est ma pote. Sur le plan politique, au niveau des moustiques, je suis très Michel Sardou. C'est-à-dire que je suis vraiment pour la peine de mort des moustiques. Je suis pour qu'on renvoie les moustiques étrangers dans leur pays. Vraiment, je suis pour qu'on ne les laisse pas rentrer en boîte de nuit. En matière d'égalité, si la femme moustique gagne 30% de moins, je me dis que c'est bien fait pour sa gueule. Vraiment, moi, politiquement, en matière de moustiques, je suis vraiment à droite de la droite. Et ces vannes-là, figurez-vous, vraiment, ces vannes-là, en fait, je les avais faites à la Radio Vel il y a 3 ans, en les réécoutant, vraiment, pour préparer cette chronique, je me suis rendu compte de 2 choses. La première, c'est que je parlais quand même vachement plus clairement à la Radio Vel, ce qui s'explique par le fait que j'étais entouré de gens qui me voulaient du bien à l'époque, et que j'en étais encore au début de mon phénomène de paralysie progressive des gencives. L'autre truc qui m'a frappé, c'est qu'aujourd'hui, je suis plus dans le doute, en fait, par rapport au moustique. Vraiment, je me dis, finalement, pourquoi un moustique n'aurait pas plus le droit ou moins le droit de vivre que moi sur cette terre ? Et là encore, je crois que c'est vraiment l'effet bande originale. Quand je suis arrivé en septembre 2016, j'avais encore un peu d'estime pour moi-même. Tu m'aurais dit, choisis entre toi un moustique, j'aurais dit, moi, quoi. Depuis, vous avez souillé mon âme. J'ai vraiment des gros doutes, mais je ne dirais plus jamais vraiment un moustique, sauf s'il me fait mes campings. Allez, bonne émission, les amis. Merci, La bande originale. Guillermo en tournée dans toute la France et fin décembre au Bataclan, on a hâte. Le moustique étant. Oui, il faut aller le voir au Bataclan, c'est quoi? C'est 28, 29 décembre. Il faut aller le voir pour son talent et pour son sourire. Mais ouais. Parce que, merci Muriel, ça c'est vraiment adorable. Voilà. Vous savez qu'on a le même coiffeur? C'est vrai, Patrice? On fait un bisou à Patrice. Oh, ouais. Bon, on embrasse Patrice alors. On embrasse Patrice. Eh ben, je crois que c'est d'ailleurs, on est coiffés pareil. Faut que je parle à Patrice. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Il m'a sauvé capillairement, il m'a sauvé, c'est mon sauveur. Ah, j'aurais pas dit ce mot-là, moi. J'aurais pas dit ce mot-là. Mais... Moi, il m'a refusé. Hein.